Nie wiem, ile to. Sam powiem, ci są jakieś dziki. O, wchodzi. Kiedy do niego, kiedy? A macie po prostu kontakty. Se wchodzi. I teraz mówię. Z dżungla da się. Ok. A on go nie sieje. Tam mi de sa petite sœur qui a des amis. On est en train de ensemble, on est en train de faire. C'est la balle qui m'a pas aidé. Raconte-moi tout. Elle a dit que je suis qui? Elle qui l'aime pas la doigt là. Son... Et sa femme qui s'est amontée. Il va me mettre à faire prier et tout ça. Et tout comme on appelle. Donc, tout ce qu'il m'avait dit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, couche-le avec le ventre. J'ai attendu. À la honte de faire une vidéo, maman. Je suis dans la honte. Comme elle a été dans mes vidéos, le contact. Elle est venue comme ici à Douala. Pour rencontrer. Et alors, ça se passe comment vous avez prié? Il en a prié. Raconte-le, qu'est-ce que tu as dans quel quartier? Je suis en colonie. Et puis quand tu es devant la vie, raconte alors qu'est-ce que tu as fait? Raconte tout sans les deux, d'accord? Explique tout ce que tu traverses. N'aie pas honte, d'accord? Quand j'ai eu le problème avec mon père, parce que je vais avoir la même chose avec mon père et sa femme. Ma maman a décidé quand j'avais 5 ans. Mon père il est venu prendre en vivant ensemble dans la ville. Et j'ai fait peur que 7-8 ans avec lui, je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie. Puis ça lui donnait toujours qu'il ne fait pas, il voyageait, il venait avec lui. Quand on me demande souvent quand ton père fait quoi, il faut pour remplir même les dossiers. Lui et moi, je dis que, ce que j'ai écrit pour sa femme, ce que j'ai écrit sa femme. Bon, chaque fois, il était bizarre, là. Pas bizarre. Je ne pouvais pas imaginer ce qu'il faisait dans la vie. Lui de même, il ne disait jamais. Bon, un jour, il a voyagé, il a fait 3 ans dehors. Il était en Italie. Il est rentré. Le soir, il est rentré là. Nous sommes partis le chercher à l'aéroport de sa femme. Il a demandé à sa femme d'aller chez eux. Là, tu as quel âge? À ce moment-là, tu as quel âge? J'ai 25 ans. Non, je dis à ce moment-là. À ce moment-là, j'avais 23 ans. Il a demandé à sa femme qu'il ne va pas passer la nuit à la maison. Donc, comme sa femme met son aller chez eux, comme tu me blanches, elle met son aller chez sa mère, passer la nuit avec son fils. Sa mère aussi ici. La mère de la fille qui est blanche, de sa femme qui est blanche, oui. Elle aussi ici. Docteur, c'est un doré. Ok. Elle est partie dans. Je ne sais pas. Elle ne posait pas les questions. Tel où son mari ne veut pas faire comme ça, elle ne met pas pourquoi. Et avec lui, avec elle, ils ont posé. Tu as des petits frères? Oui. Combien? Avec sa famille là. Un s'en fait dehors, il a beaucoup. Qui est-ce que ça? Elle ne sait pas. Elle vient de savoir de l'étudier tout comme on a rien de problème. On va y aller, on va arriver par rapport à ce problème, d'accord? Le soir, là, elle est partie dormir chez eux. Et moi, elle est partie à la maison seule. Comme j'ai vu là-haut dans la maison, j'avais une grande soeur comme ça, qui avait fui. Je ne savais pas pourquoi elle avait fui, elle n'avait pas dit. Quand elle a fui, ma grande m'a appelée. Elle m'a qu'elle a pris que ma grande soeur fuit. Il faut que moi, si je quitte la maison. La maison, elle commande d'abord par rapport au luxe. Une très grande maison. Avec ici, une grande maison à Bastos. À Bastos. Il m'a dit, ma grande mère m'avait rappelé, elle m'a aimé de quitter aussi là-bas. Comme ma grande mère était mine, celle qui est décédée, elle est décédée. Elle a fait 2 mois. Là, elle est une voyante. Une voyante, voilà. Elle a donc dit qu'elle a eu. Elle a rêvé de moi. Comment mon père me dérangeait, ceci, là. Moi, je ne crois pas aux choses comme ça. Que je ne peux pas accepter ça. Mon père, lui, ne peut pas me faire ce qu'elle me raconte au téléphone. Elle me dit donc que ta soeur fuit par rapport à quelque chose. Mais elle ne me dit pas. Moi, alors, je suis un peu, comme tu es habitué à mon père, que ce que vous parlez là, moi, je ne suis même pas avec vous. Quand je suis bien là-bas. Au départ, j'ai la première fille qui l'a venue chercher. Maintenant, celle qui a fui, elle est venue me trouver là-bas. Comme première fille. Il a reconnu. Il avait fait ça avant, il était dans la jeunesse. La mère est ici là. Comme tu sais quoi là. Ne mets pas la main sur le sommet. Mets le dépôt de la main. Tu vas aller se mettre au dépose le alors, dépose le Il a honte. Donc la nuit là, on va passer la nuit à la maison. Avec lui, il n'était pas parti comme l'a dit à sa femme qui va partir. Peut-être 23 heures, il dormait dans ma chambre. Il est venu. Il n'avait pas compris qu'il a créé ce moment que quelqu'un a sauté sur moi comme ça. Après, comme il a sauté là dedans, tout est dans le sommeil, il commence à me toucher. Je pouvais me revoir, je vois sur la face de mon bête et tout. Il va me toucher, mais là je crie et il pousse comme ça. Il commence à lui parler, comme il y avait le gardien avait suivi. Là, comme ça, il m'a comme le gardien me posait sur moi avec lui. Dépose-le alors, dépose-le. Vas-y. Attends, je te porte alors, attends, il te porte. C'est que tu es mon bébé, non? Bien. Ok, vas-y. Non, il est venu sur toi. Quand je dormais, ta porte n'était pas fermée. Non, je fermais pour tirer juste. Et lui-même, il a fait qu'on ferme les portes. Même quand parfois, même il reste, on est quand même ça. Et comme il a crié, ça a le gardien a suivi. C'est où il commence à me dire que tu cries quoi. Et il te dit, mais parce que je suis en train de dormir, tu viens sur moi, tu viens sur moi comme ça. Il me dit, je viens sur toi, je viens sur toi, fais quoi. Il parle, il me dit, écoutez, ça, on s'arrête au posé avec toi. J'arrive au salon, on s'est mis à raconter les choses, comment depuis les années, on a passé notre temps à vivre bien, comment avec son argent, sans savoir comment il travaille son argent. Je ne sais pas quel fréquenter, même si c'est quelle école il met seulement. Je veux n'importe quoi, il me donne. Je ne sais pas comment il fait pour avoir l'argent. Aujourd'hui, je veux compenser un grand défi. Il y a donc pas, je veux en comprendre que la vie ne fait pas comme je pense. Si attends, là vous êtes deux. Nous sommes deux au salon. La vie ne fait pas comme je pense. Si pour réussir dans la vie, il faut faire certaines choses, il faut faire des sacrifices. C'est ce que lui a passé son temps à faire pour nous élever. Et dans cette maison, il y avait des pièces où on n'entrait pas. Vous n'entrez pas tout. Il a passé son temps à nous faire des choses. Et puis, mais que là maintenant, il est temps qu'il accomplisse sa mission, sinon lui-même, sa vie en danger. Et il te dit, comment est-ce que tu parles? Il même dépassé. Et ça, il était quelle heure? T'es bon, pas je... Tu ne comprends pas. Ouais, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que ça commence. Tu es un grand défi. Tu as tout compris ce que tu as dit. En ce temps-là, est-ce que tu as déjà connu un homme? Oui. Donc, quand tu écoutais arriver à l'état Bassa, à l'âge de 23 ans, tu as déjà connu les hommes? Oui, j'avais connu. Et à ce moment-là, quand tu parles, tu es chez lui, tu as ton petit ami? Oui, j'avais un petit ami, mais c'était en cas. Je ne voulais pas. Oui, pourquoi il ne voulait pas? Il a dit que je ne dois pas avoir de petit ami qui reste comme ça. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi. Il m'avait toujours dit ça depuis, mais il était en cachette. Quand il voyait mon téléphone, c'est lui qui avait toujours mon téléphone. Bon, on m'appelait jamais. C'est lui qui contrôlait tous mes appels. Et quand il a filmé, il a mis un CD. Donc, comme il me parlait, je comprenais pas, mais il faisait le CD. Il est sorti. Peut-être il est encore 3 heures le jour là. Mais vraiment parce que c'était bizarre. Il s'est donc parlé les trucs de la secte, la franc-maçonnerie, les trucs qu'on expliquait. Comment. Si tu couches avec ton père, ce que tu dois avoir, comment tu seras ta vie, tu dois être le nom du le nom de. Il a mis ça, c'était quoi? C'était les blancs qui étaient dans. Oui, c'était les blancs. Parce que lui-même, il a dit qu'il travaille avec les blancs. Que celui qui veut même faire. Celui qui veut faire ce qu'il aime faire. Là. Que c'est un blanc, si je veux, il appelle, il va venir là. Dans la nuit là. Il avait peur que. Il va venir comment? Il y a un truc qu'il a en Italie, mais on l'appelle à part ici. C'est comme je veux. C'est pas lui qui veut faire. Que c'est une personne qui est en lui qui veut faire ça. Et là, il avait peur. Celui-là avait laissé le CD que je disais, mais monsieur là va passer. Là, il va voir. Il va même m'expliquer comment il fait pour ancrer, comment il fait pour faire. Il a mis le CD. Moi, je me suivais par la tête que ce n'est pas tu vois le gars. J'ai commencé à voir, mais comme je vois c'était là bizarre qu'on racontait le truc. Un genre, elle me faisait un genre dans la tête, je suis allé voir le gardien. Et il me dit que tu fais quoi là? Il me dit, un geste, mais que je respire, je n'ai pas dormi. Comme elles sont là, tu le poses à le gardien. Il fallait donner si ton père te trouve là, moi je vais le prendre, là, mon envoyé. Donc il n'y a pas de problème, on respecte. Il est sorti là par lui. Il venait dans la croise, il a plaçonné. Ah, il est sorti de la maison. Pour me laisser suivre bien. Quand il est revenu, il me demande que je l'explique ce que j'ai vu. Si c'est, il sait que comme j'ai vu là, j'ai compris. Bon, quand tu écoutais, tu as vraiment vu un titre. Donc, ça a commencé. Avec les gens, ils étaient à une réunion comme ça, là, on expliquait. Bon, il y a les blancs, il y a rien que les blancs. On expliquait comment les missions, comment on les demande de faire. Soit tu ne vas pas coucher avec ta fille, soit tu vas faire 5 ans sans coucher avec ta femme. Mais il n'y a pas de séquences, des trucs qui étaient écrits dessus. C'était écrit, mais bon, je me rappelle. On parlait des trucs. Donc, dans les conditions, on les parlait des trucs comme ils vont faire. Les cheveux, c'est comme s'ils avaient commencé à acheter seulement les voitures. Parce qu'il n'a pas acheté la maison. Il a seulement payé. Il n'a pas conçu. Il a seulement payé la maison. Acheter une maison, non. Il ne peut pas conçu. Il achète plus les voitures. Et quand il achète des voitures, comment il fait? Il fait comment? Il achète des voitures, comment il fait? C'est là, c'est très mangaré. Il conduit. Parfois même Jérémy vient louer qu'elles sont là. Il conduit à Panta, il laisse qu'il voyage et l'autre vient encore. Et tu ne vois jamais, quand il parle de douane, tu vois seulement comme il y a une nouvelle voiture. Une voiture même que quand tu vois, tu payes. Maintenant il est revenu à croiser, il m'a dit que quand j'ai hâte, vous avez peut-être compris. Mais il ne connaît rien compris parce que je le sommeil m'a même pris, je n'ai pas tout, je n'ai pas bien vu ça. Comme tu es têtu là, je vais enlever la force. Je vais enlever la force et la force, ça ne va pas moi qui fais un peu de ça. Que ta mère m'ont te. Tu crois que t'as parlé si c'est même ne pas les choses. Tu vas mourir comme ta mère. Il n'y a pas mourir que mourir comme ma mère, que c'est toi qui as tué ma mère. Il veut que tu veux savoir pourquoi. C'est la petitesse qui est seulement que tu ne veux pas comprendre. Enfin, ton père aussi, il est doux. Il est basement. Mmh. Il m'a aimé de dormir le lendemain. Il sait que demain, que la nuit porte conseil. Si demain, là, il accepte pas, il va seulement me brutaliser. Il n'a rien à perdre parce que personne ne peut se percevoir depuis le même que pourquoi tu as tué. Il a voulu me tuer. Voilà. Donc, j'étais mon corps puisqu'on était dans un duplex. Il devait m'amener chez lui. Il avait une deuxième femme que sa femme le connaissait, une copine dehors, avec qui il a fait deux enfants que moi je connaissais. Comme elle habitait loin dans le dernier niveau, on prenait même l'ascenseur pour aller la voir. Il a dit qu'il va m'amener chez eux, chez la fille. Je me tuais, jetais mon corps au sol, comme c'est de l'eau. Dans le champ. Oui, dans le champ, on ne va pas connaître. Et une loi de compte à rendre à personne. Arrêtez ça! Cette personne n'a jamais pris soin de moi, c'est toujours lui qui a tout fait. Ma famille, ils ne sont rien. Ils vont lui faire quoi? Ma grand-mère va lui dire quoi? Et là, comme il a vraiment essayé, il voulait me faire peur. Le lendemain, alors, il m'a amené vraiment là-bas. Et là, tu allais dormir tranquillement? Mm-hmm, j'allais dormir, mais je n'ai pas dormi, je m'en fais prier. Je priais, ça allait me faire un rêve même le jour-là. Raconte-nous le rêve. J'ai fait un rêve. Avant, quand il m'a raconté le rêve, que c'était ma mère. Le rêve, c'était une femme qui m'a dit que ne passe pas la nuit. Là, s'il y a moyen de fuir, tu sors. Tu demandes au gardien, tu vas fuir. Donc, l'option m'expliquait comment il y a un taxi. Tu sors. Moi, j'avais seulement peur de sortir à l'instant. Là. Donc, ça me montre comment il y a un taxi qui t'attend. C'est une dame qui me parlait. Dès que tu sors, tu prends le taxi. Là. Ça ne va pas te laisser à Makenene. Donc, un cri, on ne connaît même pas Makenene. Ça me parlait la voix. Donc, c'était un peu un sommeil profond. Après, je commençais à prier. Il priait. Lui, il ne dormait pas. C'est ça que j'avais peur. Peut-être qu'il peut revenir. Je priais, donc il ne dormait pas. Et après, le matin, nous sommes sortis. Il est comme pas. Si on part là-bas, ma père finit, il a dit que c'est pas là, c'est même tué. Il a dit qu'il est parti, mais il va aller me coiffer. Mais que tu te coiffes, que tu es en train de perdre les choses, ma vie est en danger. On m'a demandé, j'ai quelques jours, ou c'est quelques heures. J'étais encore pardonné hier parce que vraiment ils ont compris, parce que je venais de rentrer et qu'il faudra que toi, tu te prépares. Ils ont dit que si tu n'acceptes pas, ça ne peut pas marcher. Si ça avait la force, je ne peux rien faire. Bon, attends. Avant ça, tous les voyages que tu avais fait, tout ce qu'il fait, est-ce que tu ne suspectais rien? Je ne suspectais pas, on me disait seulement, les gens, mes amis même, avaient peur, même mes camarades de classe me disaient ça. Ils ont peur que mon père n'est pas simple. Parce qu'il est triangulaire qui va toujours les petites filles et qu'il est marié. Parce qu'on voit toujours les élèves, petit par fustelle comme ça. Il prend les petites filles françaises, il est toujours avec eux. Et les amis me disaient toujours ça, mais ils ne croyaient pas. Même ma grand-mère m'avait dit ça. Même dans sa famille, il y a des gens qui ont dit ça. Il ne fallait pas. Comme nous, ils nous avaient habitué qu'on ne va pas chez les gens. On a dit à personne. Quand les gens viennent même chez nous là-bas, ils ne veulent pas que les gens dorment dans la chambre. Il y a des chambres, beaucoup de chambres, ils demandent de dormir au salon. Parce que dans la nuit, apparemment, c'est sorti qu'on venait dans la nuit. C'est un truc qui, comme, il venait souvent nous visiter. Moi, on ne connaissait pas. Il essayait ça plusieurs fois, il venait visiter. Donc, moi surtout, non, qui venait chaque fois pour faire ça. Ça ne réussissait pas, chaque fois que ça ne réussissait pas. Parce que quand il a voyagé, les gens ont demandé que si elle n'est pas d'accord, ça ne peut pas marcher. Parce que sa mère ne laisse pas que tu as compris ce que tu veux faire. Sa mère ne laisse pas. Il a commencé à me dire là que oh, ma mère c'est une sorcière. Je dis que mais ma mère est morte. Le jour qui m'a la journée, le matin, comment me parler, ta mère c'est une sorcière. Je dis que mais ma mère est morte. Tu dis que c'est une sorcière. Tu la vois souvent. Mais qui te dit non. Beaucoup de familles, vous êtes des sorcières, même ta grand-mère. Parce qu'on fait un petit truc, ils sont les blêmes des gens. Ils mettent le remède sur les gens, c'est le remède de quoi? Le jour qu'on va te mettre, c'est. Ils vont aller parler pour rien comme ça le matin. Et là, il n'a pas le temps de prendre le petit déjeuner. Attends, il est souvent la ménagère, elle était là, dans le ménage, elle a fait tout, il n'a pas mangé, mais que tu ne manges pas pourquoi. Tu veux que les gens sachent que personne n'a mettre au courant qu'il était parlé quelque chose. Il faut tout garder à même mine, parce que c'était abusant. Ah, c'est la ménagère. C'est lui qui me dit ça, qu'il ne fait pas que la maman là. C'est une maman qui travaille là-bas chez lui. Ok, donc ton père te disait donc que... Oui, que je dois garder. Dans la main. Oui, la main. Je ne suspecte pas. Voilà. Quand j'ai été patin de coiffeur, je suis sorti. Comme ça, elle ne me tait pas, si me suivait. Je voulais tout pour savoir si c'était pas quoi. Je suis partie, elle a fait un saut chez la coiffeuse là. Comme j'avais rêvé qu'il y avait un taxi qui m'attendait, comme je sors, je vois une voiture personnelle garée devant le salon de la fille qui me coiffait. La fille de son avait dit que le petit avait la planifié ça. La fille me demande quand tu parles, tu connais le monsieur là. Parce que je me suis dirigé vers le monsieur, j'avais dit que pardon, j'ai un problème. Mais parler en faisant pourquoi ne sache pas que. Pourquoi on ne sache pas qu'il y a un. Oui, donc quand tu es sorti, tu es quand même déjà allé au salon de coiffure. Oui. Et là, il est suivi, il est attendu, ils ont dû pas faire les cheveux et puis je ne viens pas là-bas, on a dit. Quand le causait donc, il ne sait pas, peut-être qu'il causait soit la fille ou deux, soit la fille, sans que la fille a fait. Il dit que ta fille a encore le causé à l'homme. Si tu l'avais déjà fait, que tu ne veux pas voir les enfants, même si c'est comment, vous me faites ci. Le monsieur, le temps que je parle, le temps que pardon, j'ai le problème, je suis là. On va donc, je parlais donc, comme si il a compris quand même. Il m'a dit que je peux t'aider. La fille avait appelé mon père, elle venait me tirer dans le salon. Le jour, il m'avait tapé. Tapé jusqu'à il a pris le couteau. Lui, il a pris le couteau. Il y a même encore les cicatrices. Même mère, tout ça comme ça. Mère, tapé. Personne n'est intervenu. Même la mère, la femme, elle parlait, se met, elle criait qu'on va tuer quelqu'un ici. C'est une maman là. Elle rentre, elle le jasse là, elle n'a même vu ça. Il n'a jamais tapé quelqu'un dans la maison, c'est comme ça. Où il boit, il ne buvait même pas, mon père ne buvait même pas dans la con. Elle a été, c'est bizarre, mais elle a fui, elle est partie. Le gardien, une personne n'est intervenu, il a fermé la porte. Il m'avait bien tapé, c'était inconscient. Il était même inconscient, il voulait encore essayer. C'est où ça, donc il est toujours, quand il, chaque fois qu'il voulait toujours, qu'il venait, qu'il me touche, il voulait essayer comme il était inconscient. Après, il a encore, il a arrêté. Il s'est relevé comme ça, il a dit merci, comment ça fait merci. C'est même pas avec la piscine, c'est une sorcière, il commence à me parler. Mais toi, tu es une sorcière. Il parlait, comprenait, je m'en ai mis, il était là fatigué, il m'a blessé partout. Mais que repose-toi. On n'a plus passé, ça va se passer tout à l'heure. Il parlait au maire, il me donne tes bois, ça va se passer tout à l'heure. Il a fini, il a pris sa voiture, il est sorti, il est parti. Moi, je suis sorti, il était fatigué comme je suis sorti. Là, il a encore vu la même voiture. Là, la ménagerie est partie. Il a encore vu la même voiture qu'il a vue au salon de coiffure. Comme si il rodait dans le quartier. Puisque Bastos, ça va, comme c'est un peu, c'est calme là pour voir le taxi. Comme si vous rodez, puis mais là. Après, j'ai encore vu le même monsieur, m'a seulement dit ancre, il ouvre, c'est ancre. Il est parti me laisser. Il m'a posé la question que tu as la famille ou parce qu'il y a un de là-bas, il n'y a pas la famille, rien que mon père et mon ami ici, qui est allé aux États-Unis, que son enfant m'a parlé. Il voulait avoir parti chez mon ami, et que si je parle, il connaît chez la fille, il va aller me chercher. Parce que c'est là qu'il a commencé à me chercher. Elle dit au monsieur qui m'amène à Makelene, comme il avait compris Makelene. Il m'a pensé à Douala. Nous sommes arrivés à Makelene. Il est parti à Makelene sans. Arrivé à Makelene, la mine dit que c'est chez qui que on parle, on était au marché de Makelene. Personne dit que mais il connaît même personne ici à Makelene. Je suis resté, on a duré peut-être une heure de temps à sa voiture, je réfléchis, le nombre des gens de ma famille même. Qui sont sur le village. Et là, tu es comme ça avec le sang sur toi. Oui, j'étais tout. J'avais les blessures, même mes yeux, même étaient. J'avais le sang. Là. Mais là, est-ce que ton monsieur te posait des questions? Il me posait des questions, mais il ne pouvait pas répondre. Il disait seulement qu'il va arriver d'abord. Quand il va arriver, on va poser. Parce que, après, quand je suis arrivé, au marché, là, j'ai pensé à l'une de mes cousines, à Marie-Noël. C'est le nom, là. Quand elle dit Marie-Noël. Il est sorti de la voiture avec les mamans qui vendent. Il a porté une petite ici dans la voiture. Il a dit qu'elle cherche. C'est Marie-Noël. Il a expliqué qu'elle a des problèmes. Tout ça. Ils ont cherché que le quartier c'est où. Maintenant, alors, on se renseignait. Il y avait une maman, Marie-Noël. On est tombé sur la mère de Marie-Noël qui me connaissait quand elle était petite. D'un moment, on l'a reconnu. C'est moi qui me demande alors que ma fille s'appelle Marie-Noël, mais elle ne sait même pas reconnaître le visage ici. Je ne sais pas si c'est moi, c'est lui qui est. Ils sont venus vers la voiture. Ils sont venus, non, elle m'a regardé comme tu es à grande. Elle est qu'elle me regarde. Maintenant, alors, je parlais maintenant, dis quelque chose, peut-être se souvient de moi. Et que ma grand-mère, c'est Mini, elle est à Douala, comme j'appelle souvent Mini. Ouais, c'est comme ça. Ah, Mini, c'est la fille de ma ou c'est ma tante qu'elle a dit, c'est sa grand-mère. Maintenant, nous sommes partis chez elle avec le monsieur. Le monsieur a dit qu'il faut qu'on aille au commissariat, déjà signalé. Ma tante elle a dit que non, on n'est pas au commissariat. Je dois avoir un homme de Dieu, elle même massé. Fini, quand il serait normal, elle va expliquer. Maintenant là, on va, je donne le mot de mon père, on l'appelle. Le monsieur a dit que non, si vous faites comme ça, c'est que là, vous êtes voilà, que, on va la repérer. C'est plus une bonne idée. Alors au commissariat, soit à l'hôpital d'abord, on fait les soins et on vérifie. Mais comme j'avais dit au monsieur qui n'a rien vu, ils ont dit qu'ils vont vérifier non, si quelque chose ne s'est pas passé, parce que comme ils m'ont vu là, vraiment, peut-être il a dû faire quelque chose. Mmh. Nous sommes allés à l'hôpital, on a vérifié, on a fait peut-être une semaine là-bas, maternelle, à l'hôpital couché là. Après, il fallait la voir maintenant, appeler la famille. On a appelé ma grand-mère. Elle a dit que c'est ce qu'elle avait dit. Que la petite test m'a fait respirer pour voir ce qui devait se passer. Ma grand-mère a voyagé le même jour, elle est arrivée là-bas, maternelle. Le monsieur là, il a demandé qu'on parle au commissaire. Ils ont refusé, ma grand-mère a refusé. Elle a dit que c'est fait. Attends, monsieur l'a venu chaque fois là-bas. Nous sommes, nous sommes à présent, le monsieur et moi, nous sommes là comme une famille. Il pensait mmh. à la maison, tout. Il était rentré, non, c'était un mari, il est rentré. Il est parti au travail, lui, tu sais pas ce qu'il a fait pour la Bastos ce jour-là. Il n'habite même pas Bastos. Il était rentré le même jour que sa femme. Quand il a m'appelé sa femme, il a expliqué à sa femme. Il est rentré. Entre temps, je suis resté là-bas maternel. Il est monté alors, il me cherchait. Il est même arrivé à Douala. Quand on faisait peut-être quelque chose comme si il disait que je suis en train de voir, c'est mon tueur. Donc, il écrivait ça sur le il a le mot de ma grande maison, il savait que c'était ma grande, il écrivait dans les messages sur son téléphone. Mmh. Et moi, je recevais les messages, je les lisais alors. Mmh, t'as quand même voyé. Ma grande ne lisait pas les messages. Donc, toi, tu le vois. Oui. Mmh. Qu'est-ce qu'il disait dans le message? Il dit dans le message que je suis en train de te voir, voir tout ce qu'on veut faire sur toi. Ben, ma grande est venue, c'est déjà m'amener chez le marabout pour mmh. empêcher qu'il ne voie pas. Tout ce qu'on travaille, lui dit qu'il voit. Chaque fois qu'on a fait quelque chose, il oublie. Le téléphone signale, il n'y a plus le message. Tout ce qu'on met sur toi, là, rien. Toi, tu vas seulement. Tu vas tout faire, mais si tu peux même pas réussir, si tu ne viens pas faire ce que tu es en train de faire, tu vas rien, tu feras rien dans ta vie, tu vas pas réussir, tu n'auras même pas l'enfant, tu vas même jamais avoir un examen, oublie. Tu vas commencer à commencer. Tu commences à me révéler que c'est lui qui faisait que parfois était bloqué à l'école. Donc, tu sais comment tu étais, ça, tu le faisais rien, on m'a 15 heures, je te crois, c'était quoi, quoi, tout ça, quoi, tu as ta vie entre mes mains. Maintenant, il parle, le message, lui, le client, je l'avais appelé, je voulais décrocher le marbre, là, il m'avait pas décroché, il veut prendre ma voix. Mmh. Comme il essayait partout, si il pose, elle va prendre ma voix. C'est comme ça qu'il envoie le message, que ce que le type d'anglais te dit, là, c'est un sorcier. Je comprends, je connais tout ce qu'il te dit, je suis ton père, entre lui et moi, tu choisis tout. Ben, ce qu'on veut te faire, là, c'est la sorcellerie qu'on fait sur toi, n'accepte pas ça. Et monsieur, là, lui, c'était un marabout. Bon, lui, on dit qu'il travaille aussi avec les gens de la secte, il travaille avec la Bible, les choses de la femme à son nez, là, il invoque. Quand il invoquait comme ça, parfois lui-même il dit que c'était plus fort, parfois il tombait, il faisait des trucs. Et moi, j'étais seulement avec lui, il dit que ton père là, il a vraiment joué dans la secte. C'est ce que mon père avait dit. Mon père m'a dit qu'il a encore là, qu'il était encore jeune. Il a commencé à parler. Lui m'avait expliqué son parcours. Explique-moi le parcours avant qu'on revienne dans le cas de Marabout. Il a dit que bon, c'était mon père là-bas, il a grandi à Nouvelle. Donc on est dans des conditions difficiles, hein, genre. Mais son père lui-même avait franchement l'argent. Il est mort, à Yaba s'y passe, là on n'a pas retrouvé son corps. Et on dit dans la famille, il demande son père dans la secte. Comme ça que lui, alors il a commencé à me fréquenter plus. Il souffrait, tout ça. Il travaille à Congel Camp. Il a travaillé à Congel Camp. Un jour, il a volé l'argent là-bas au travail à Congel Camp. Il est parti au Gabon en aventure. Arrivé au Gabon, il a rencontré un blanc. Le blanc, il vivait avec le blanc là-bas. C'est lui qui t'a dit. Oui. C'est ton père lui qui a fait lui qui t'a dit. Ça, lui. Mmh. Il a même dit qu'il a dit ça à personne. Il t'a dit ça en quelles conditions, dans quelles circonstances, à quel moment? Le temps causé, le soir où on t'a fait le cause, il m'a raconté tout. Ah, et il a, alors, le soir où il t'a mis le CD pour tu vois, oui. Il a expliqué minutieusement comment il a commencé. Oui. Et continuant au Gabon, il a vu un blanc, oui. Et après, il vivait avec le blanc là. C'est le blanc là qui l'a fait entrer en Europe. Comme il a entré avec le blanc là, ils ont appris certaines choses. Il a commencé, là, il travaille le blanc, donc il était dans le secte, non. Le blanc, là, il a fait avoir beaucoup d'argent, tout ce qu'il a envoyé, il a envoyé souvent l'argent sur le camion, il a envoyé l'argent, par le suné, tout ça. Quand on s'occupe de moi, ma grand-mère a refusé l'argent, parce qu'elle est blanche de trop choses, il m'a expliqué tout ça. C'est comme ça que ma mère était morte, il a envoyé l'argent, des gens là, on a refusé de prendre, que si on prenait l'argent là, c'est que c'est aujourd'hui là. S'il appelle ma mère à venir. Mais comme on n'a pas pris l'argent, c'est toi, on ne peut plus avoir de relation avec elle. Lui-même, il ne peut même plus laisser. Il a commencé à payer les choses. Donc il dit que si l'argent qu'il a pris. Il avait envoyé 300 000, ma grand-mère m'a dit ça, on n'a pas pris. Oui. Pour l'enterrement. Oui. Que si on prenait l'argent là. Apparemment, c'est lui qui avait tué ma mère, parce qu'il ne parlait, parce qu'il n'était pas Dieu, mais je sentais que c'est ça qu'il veut dire. Que si on prenait l'argent, ceux qui veulent, ils peuvent se voir appeler même comme ça, Dieu. Il ne parlait, ça me faisait bizarre, mais il peut-être pas comme avant, c'est beaucoup de choses, mon cœur, c'était devenu traumatisé, genre. Il m'a dit que où il est là, il est capable de causer avec tous les esprits, que s'il dit qu'il appelle quelque chose, il appelle même si c'est qui, quelqu'un qui est où la personne arrive. Donc il voit tout, qu'il a un miroir. Qu'ils ont un miroir, ils font la réunion. Parce que mec qui faisait la réunion, il tombe. Et si on est allé à la réunion, là, une fois, il ne savait pas. Bon, un jour comme ça, un dimanche, le dimanche qui siège. Siège là-bas. Lui, elle est là-bas avec Écoute, explique-moi des choses. Maintenant, le dimanche. Là-bas. Elle n'est pas venue avec son oncle, elle devait venir, elle dit que quand elle vient, on ne voit pas. Donc elle ne vient pas comme... Il m'avait dit ça, elle ne vient pas comme ça la nuit. Elle ne vient pas comme ça pour les perdre, que pour voir les gens pour là, c'est pas facile. Mais alors, l'oncle était là, il m'a dit que bah, l'oncle, il y avait Jérémy, ceux que je connais, les Jérémy. Jérémy, il est aussi Cameroun. Ah, ça, c'est au Cameroun, lui. Ce que tu dis là, c'est quel Pérou, c'est... Nous sommes en quel de 2013, comme ça. Là. 2013, oui. Il y avait, par exemple, ça, ça c'est ceux qui, dans la salle, tu as vu. Ceux que j'ai vu. Il n'y même pas ces gens, bon, je suis venu comme ça. C'était un dimanche, sortait du sport, on s'arrêtait de faire la nuit. Ceux-là étaient là comme ça, ils tombent. Donc après, hein, que, où ici, je ne pouvais pas quand même entrer. Parce que je n'ai pas tout le monde qui est entré là-bas. Jusqu'à le jour, il m'a dit que tu as fait comment tu as salué les grandes personnes. Ceux que tu n'as même jamais vu, tu as vu tout ça. Ils t'ont même, tu vois qu'avec toi, ça allait même saluer, ils t'allaient, ils t'ont sollicité, ils t'ont aimé. Parce qu'ils étaient gentils avec moi là-bas. On causait bien, ils m'ont salué avec mes quoi même. Ta fille s'y est levée, ils causaient tout ça. Qui causait avec toi? Les Jérémy, donc c'est une. Dans ce qu'il parlait là, ça voulait dire que donc, il voulait une Éposure. Personne comme moi, une introduit. Qu'elle est bien élevée, cela. Il dit que c'est pour ça que moi j'ai marché avec elle, causant comme ça. Après, il m'a dit que je dois rentrer parce qu'il doit rester. Bon, là, c'est dans ce dimanche particulièrement. Quelles sont les personnalités que tu as vues? Celui qui a le. C'est un Tonganais. Il est de Tonga. Tonga, c'est juste avant Makelele venant de l'Ouest. Nous sommes allés chez lui. Il est en Tonga. Voilà, c'est le Tonga. Il était là. Il y avait Jérémy. Et l'oncle. Il a reçu une maman là. Bon, il ne connaît pas la mère, mais il avait vu ce chien là comme ça. La mère n'est pas encore commencé, il est en train de boire. Il m'a dit que je dois aller rentrer là, ses amis, il me présente ses amis personnels, tout ça. Sans être mal, que moi, parmi ses enfants, je suis la seule qui m'a mis à montrer toutes ces choses, qui me dit ces choses, comme ça, tout ça. C'est pour ça que je dois l'aimer. Il faut pas que je fasse comme si je me tire, je m'éloigne de lui, que chaque fois, si encore le soir, je dois venir sauter sur lui, faire les trucs et comme ça. Je suis à la grande, je dois encore faire les choses comme ça. Parce que attends, maintenant vous vivez à la maison, son mari est là. Sa femme est là. Sa femme est avec toi. C'est une blague, c'est une blague. Elle est de quelle nationalité? Elle est française. Française. Elle était calme, posée, elle n'avait rien, elle ne s'est doutée de rien. Ou bien tu penses qu'elle était complice? Non, elle était calme. Parce que ce qu'a posé un appel, elle était calme. Elle a donné le divorce. Elle a donné le divorce, mon père. On n'envoie plus les choses ici la mère. Elle était calme. On a envoyé les choses parce que là maintenant mon père il allait tomber sur l'enfant de son cousin. On va revenir dessus parce qu'il y a plusieurs. Il dit pour le moment ta maman, on va l'appeler ta maman. Elle est en instance de divorce avec ton père. Elle t'appelle, vous parlez de quoi par exemple? Elle m'avait appelé, elle voulait que je vienne à Yaoundé pour qu'on parle de ça. Mais ma grand-mère a refusé. Qu'elle connaît. Elle ne pas raconter ça là. Elle connaît déjà qui est son mari. C'est là le divorce. Il ne faut pas que je parle. Soit la personne qu'on veut que c'est elle qui est venue raconter tout. Donc elle garde, elle reste tranquille. Bon, mais comment toi tu lui as raconté aussi à elle? Pourquoi elle dit que tu viens témoigner? Parce que là, elle veut que tu viennes témoigner. Elle veut que je vienne témoigner devant au tribunal, voilà, et peut-être devant sa famille, parce que ses grands frères sont venus pour l'affaire. Et peut-être ils sont complices, peut-être les gens du tribunal sont aussi parmi. Oui, par exemple, mon père m'avait même dit ça, que si je peux au tribunal avec l'affaire, ce sont les mêmes gens qui m'avaient dit qu'il va échouer. Peut-être avoir même affaire, même si c'est blague. Mais il s'est tant qu'il dit ça à quelqu'un. On parle au tribunal. Parce qu'on vient même arriver sur le tribunal avec la fille, que si je sais. Mais quand ma père, ma grande sœur a déclenché sa part, ma soeur consanguine, elle aussi a le dernier. C'est celle qui avait fui des. Oui, la première. Comme elle a pris ma tâche, je suis sortie. C'est là où elle est sortie. Bon, donc on va parler du cas, de ce qu'elle a raconté, d'accord. Au fur et à mesure, ça ne mettait pause pour voir les chantiers, comment on va ouvrir, d'accord. Donc revenons sur le cas de ta mère. Il disait, ta mère qui est blanche là maintenant. Pourquoi elle se demande le divorce? Parce que quand il est arrivé en France, la mère l'a voyé comme elle n'a pas reçu avec nous. Sa femme elle est comme, comment tous les enfants fuient toujours, là il y a sa femme, que je pense c'est la petitesse. Mais il a voyagé avec là-bas, il a couché avec la fille de son cousin. La fille de quel cousin? Le cousin de mon père. Il a couché avec la fille de son cousin. Oui. Donc son cousin est berger. Oui. Là-bas en Belgique. Il a couché avec sa fille. C'est comme ça qu'on a arrêté. On a arrêté en Belgique. Oui, il a fait la prison. Wow. C'est comme sa femme a appris. Comme l'homme était obligé d'expliquer à sa femme. De ce qui s'est passé. Oui, on l'a appelé sa femme. Depuis la Belgique, il explique. Vous dites votre mari, elle est venue ici. Votre mari, voilà, c'est comme ça qu'elle a voyagé. Si on l'expliquait tout, elle a compris. C'est où elle aussi, elle a commencé à voir qu'il était non souvent bizarre. Donc elle écrit, elle a rédigé toute sa vie. Les enfants, c'est comme ça, son chat, ça sortait avant. Elle a rédigé ça. Elle a remis chez ma grand-mère. Avec Lucie, ils sont venus. Les, tous les attends, elle a rédigé quelque chose qui. Oui, concernant sa vie, c'est ce qu'elle a. Ce qu'elle toi, connaît. Tu as ça, tu as vu ça. Non, c'est chez ma grand-mère, pas tenue. Ici, à Douala. Elle est partie déposer ça là-bas, le contenir, toutes les choses. Ok, ok, pour remettre les choses. Oui, elle ne veut plus rien, parce que c'est pas un homme bien, c'est ce qu'elle avait dit. Elle est partie remettre. Donc, ça veut dire que dans la famille, c'est quelque chose de fils qu'on connaît. Oui, tout le monde connaît. On l'attend. Présentement, ce n'est pas encore venu au Cameroun. On l'attend, on l'offre ça. Attends, donc il est en prison. En prison en Belgique encore pour cette période. Normal qu'il est là sorti. Oui. Il n'est pas encore au Cameroun. Non. Donc, dès qu'elle va venir, donc, on va continuer l'affaire, le procès de la. Oui, sa femme ne peut pas laisser, elle va continuer. Peut-être moi, elle peut laisser parce qu'elle ne peut pas le suivre, comme il avait dit qu'il n'y a personne. Mais sa femme, elle ne peut pas laisser. Et là, sa femme, il a quoi, quel enfant? Une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon. Et il a quel âge? Il a 13 ans. Et là, maintenant, à Bastos, chez eux, là où vous habitez, il n'y a plus personne là-bas à la maison, alors, dans ce cas. Elle est rentrée chez eux. Elle a ramassé. Donc, tout c'est chaud, il n'y a plus personne. Donc, le grand duplex de Bastos est oui, c'est vide, on attend qu'il vienne. Il prenait la c'est une dame là qui l'a vendue. C'est lui, il l'a vendue, il a aimé, c'est tout. Ok, maintenant, donc, on se situe maintenant au niveau où. On envoie l'argent pour enterrer ta mère, on refuse. Et ton père de te raconter le soir là, on était à ce niveau là où il dit, il raconte la vie, sa vie, comment il a fait pour entrer dans cette domaine là. Donc au Gabon, un blanc l'a amené en France, c'était en France ou en Italie? Oui, ils sont en Europe, en Europe. Et là, c'est là où il est entré là-dedans. Qu'est-ce qu'il t'a dit davantage pourquoi il couche avec les jeunes filles? Pourquoi il couche avec même ses enfants? Pourquoi? Il a dit comment il est entré dedans, comment? Il a dit, mais pourquoi donc il a accepté? Parce que comme j'étais évalué, mais plus là, il a accepté de venir coucher avec ses enfants comme condition, on lui fait autre chose. Il m'a dit que tu connais la série, que je connais quand même la série, que les gens font les choses, mais pas quand même avec leurs enfants. Il m'a dit que pour lui, c'est que il ne sait pas, lui, on ne comprend pas. Là, on commence à pleurer le jour. Attends, comment il t'explique, il pleurait. Il a pleuré, il a pleuré. Que lui-même ne comprend pas ce que les gens là l'ont fait comme ça. Que ça fait peut-être beaucoup d'années qu'il avait les gens là. On n'avait jamais demandé une période de toucher non seulement les cheveux de son enfant. Que là, lui-même, il est dépassé, surtout sur moi, parce que lui-même, trop, il ne veut même pas faire ça. Donc il voulait dire donc qu'on lui a imposé cela maintenant. Ils ont dit que s'il ne fait pas ça, il doit être fou. Soit il aura une plaine guérissable, que c'est moi qui dois souffrir à soigner sa personne. C'est sa seule fille qui reste avec lui. Les autres, ma soeur, elle est fou. Et les autres, les enfants ne sont pas. Il était seulement là avec lui, mon petit frère, sa femme. Et sa femme pouvait l'abandonner. C'est ce qu'il m'a dit. Que s'il a commencé à être malade, sa femme devait l'abandonner. C'est ce que les gens ont dit. Que c'est comme moi qui devais souffrir. C'est lui qui devait faire que je souffre avec lui comme ça. Je ne pourrais jamais quitter. Mais ils vont me faire travailler, m'hypnotiser comme ça. Rien dit que pas, on ne peut pas laisser mon père travailler. Enfin, que je veux ça. Que lui-même il est dépassé. Celui-là a commencé à pleurer. Ça lui fait vraiment mal. Tout ce que tu as en train de parler là, parce que tu as besoin de prières, n'est-ce pas? Tout ce que tu as en train de dire, tu souhaiterais qu'on publie ça? Oui, je souhaiterais. Qu'on publie. Il a suivi aussi beaucoup d'histoires comme ça, parce que là, il faudrait qu'on publie. Parce que j'ai une amie, particulièrement, je ne sais pas où elle est. La fille, elle pratiquait déjà avec son père. Oui. Elle a pris que j'ai su. Oui. Elle m'a dit que pourquoi je suis, c'est ce qu'elle fait. Elle pratiquait aussi. Elle a couché avec son père. Elle est toujours à Basto, sa fille de elle a couché avec son père. Maintenant, son mari était un peu payé, elle fréquentait la fille, elle a couché avec son père. Elle m'a même dit que c'est trop simple, elle m'envoie le message, tout ça. Donc, et quand j'ai fui, je l'ai appelé, donc qu'elle m'aide, pas une finesse, j'avais tout laissé, les habits. Elle m'a appelé qu'elle m'aide, comme tu es chez ma grand-mère, elle aussi, elle n'était pas le genre, elle n'a pas l'argent, elle est seulement à la maison. Oui. Donc, elle ne pouvait pas m'acheter, elle avait mis tout, tu vois, c'est comme ça, elle dit, c'est la petitesse. Rien ne doit t'arriver si tu vis là, si tu vis ici là. Donc, tu as la camarade là, vous vous connaissez comment? On se connaissait dans le monde. Donc, comme on dit souvent, peut-être quand tu as les enfants non, de riches machins que eux, non. Quand tu fais la belle marche avec elle, il y avait beaucoup d'amis, rien que qui avec les parents. Que ton père connaissait, les connaissait? Oui, il aimait bien qu'il marche avec eux. Quand il était marché, c'est mon ami ici là, que son frère m'a parlé de vous, il ne l'aimait pas trop. Oui. Quand il venait là-bas, lui, ça l'énervait souvent, comme si il parlait ses parents d'abord. Chez eux, même sa mère, dans une chrétienne, elle prie beaucoup. Oui, donc ça veut dire que ça ne donnait pas. Sa présence ne venait pas. Il me met seulement qu'elle marche avec les filles de ses amis là. Qui sont. T'avais pas appelé la fille là pour expliquer que voilà, comme tu vois. Donc quand ton père t'a mis la pression pour coucher avec toi, parce que la sec lui a demandé des conditions, que c'est une condition. Là, si tu étais déboussolé, tu as appelé donc ta celle qui est ta camarade là. Oui. Qu'est-ce que tu as répondu? Elle m'a dit pourquoi je suis fait comme une gamine, qu'il y a quoi ça, que je préfère aller coucher avec, avec mon petit ami. Quelque chose qui va me rapporter rien, lui là sa famille, que de, hors de coucher mon père, qu'on parle toujours dans la richesse, ça nous donne l'argent. Quand j'ai compris ça, toujours j'ai ouvert la bouche, j'ai dépassé. C'était une de mes soirées que merde, je regarde ce que la fille me dit, j'étais même dépassé. Ah, de la même comme ça, est-ce qu'elle me dit ça cache comme ça, elle me dit ça sèchement, que c'est mon problème si je souffre même, parce que j'aime trop la souffrance, que c'est bien. Que je ne peux pas quitter du haut niveau au bas niveau, que même c'est comment elle est là, elle couche bien avec son père, ça l'enlève quoi. Qu'elle a son gars et son père, que sa mère ne connaît même pas. Elle est vieille, sa mère. Que sa mère ne connaît même pas. Que quand son père couche, il part à l'hôtel, parfois il voit, il part à Kribiling. Elle a commencé à me parler, mais depuis elle a appelé. Puis, quand elle a commencé à m'appeler, j'ai changé de numéro. Il n'avait plus mon numéro. Oui. Donc là, vous avez coupé le contact. Oui, elle mais elle te dit qu'elle fait cela et elle a de l'argent. Elle est bien, elle roule dans les voitures, tout, genre les Lexus, tout, et sous même sa ventre. Donc elle a. Yaoundé, là-bas, on la connaît. Elle vit bien. Waouh, ça veut dire que papa, donc avec Yaoundé, donc les enfants des riches se couchent avec leurs papas comme ça, ils ont de l'argent. Elle vit bien. Mais juste, pourquoi tu n'as pas accepté de coucher avec ton père? Là, je sais pas. Je ne pouvais pas faire ce qu'on a été dépassé. Et c'est un truc que papa me parlait souvent, donc il n'est pas bien. Donc il a révélé ça, une fois par ça, ça. Comme donc c'est vrai, même ma grande me disait souvent ça. Quand ma grande est venue nous rendre visite, il refuse. Oui, mais et physiquement, quand ton père est là, quand on le voit, est-ce qu'on peut voir que c'est un monsieur qui est mauvais? Non, s'il vient là, sa façon de parler, tu peux me parler. Il va commencer tout à parler, juger. Mais peut-être tu peux croire, comme peut-être quelqu'un de. Tu vois, parce qu'il est un peu il est bizarre. Quand vous allez commencer à parler, si tu veux parler de Dieu, il va t'enseigner notre chose sur Dieu. Vous allez souvent parler de Dieu, vous prier, vous faire des trucs. Il parle des trucs. C'est nous qui vous croyons que le monde aussi parle des choses. Si tu comprends un peu que quand tu poses profondément, il va te sortir un truc de mauvais. Et là, il commence à comprendre que Dieu, avec lui, Dieu, c'est pas, il ne fait pas de Dieu. Il n'aime pas. Même si tu pries, il ne veut même pas. Oui. Quand je dis que tu aimerais qu'on publie, quel est le problème? Pourquoi tu dis que tu veux qu'on publie? Et parce que tu as dit que tu as écouté, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans ces genre de choses. Pourquoi tu veux qu'on publie cela? Justement pour que ça, ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'ils vivent ça. Et peut-être que ça doit les arriver, ils ne savent pas encore. Pour donc vous pouvez pour avertir et mettre la lumière. Il y a beaucoup de gens pour ça veut même arriver. Oui. Mais est-ce que tu peux savoir, tu connais les conséquences qui peuvent en découler? Puisque ton père a dit que il y a les gens là ont parlé de toi. Que si ils peuvent te faire souffrir, si te faire souffrir physiquement et spirituellement, qu'est-ce que tu vas faire si on publie ça et s'ils entendent? Voilà, parce que mais je ne dis ça à personne. Que si je dis d'abord ça à quelqu'un, je ne ferai rien dans ma vie. Que si je faisais non, je ça ne veut rien me faire, mais si je raconte le secret à quelqu'un, je ne peux pas réussir déjà dans le domaine, dans le soir rien, mais c'est dans les rêves dans le marché. Pas tout dire. Donc lui il était celui que je devais accepter parce que c'est la vie dont je vis. Comme je vivais là, on ne pouvait pas s'imaginer que pouvait quitter. Ah comme tu étais dans le luxe. Lui, il savait que tu pouvais. Quand en faisant ça, tu pouvais. Il ne pouvait pas s'imaginer que même comme je suis parti à Douala, il savait que il était sur Facebook. Il devait tourner venir. Même jusqu'à présent, il m'écrit sur Facebook. Donc vous en avez encore sur Facebook. Il a mis avec moi, depuis là même, je voulais même supprimer, comme je suis trop aussi sur Facebook. Je voulais le supprimer parce qu'il envoie les messages. Et le message qu'il t'envoie, et qu'est-ce qu'il dit au juste? Là, le message, quand il avait d'avoir pris que j'ai eu le bac, il m'a dit félicitations. Mais peut-être il avait dit que tu ne veux pas réussir. Moi, je ne réponds pas ces messages, c'est ma soeur qui répondait. Oui. Moi, j'ai un respect. Quelle de tes soeurs? Parce que tu as dit que tu vous étais seule. J'ai une grande soeur. Donc du côté de ma mère, nous sommes trois. Oui. Donc ça veut dire que ta maman a eu, avec ton père. Tu as ton père seul qui est lui. Et les autres. Les deux seuls, ils ont le père. Ils ont le père. Et ça, ce que tu nous racontais là maintenant, est-ce que tes deux autres soeurs connaissent? Ils connaissent. Donc sur Facebook donc, maintenant, c'est elle qui répond à ton père. Oui, ma soeur, donc quand ma soeur répond, elle répond en disant que c'est elle, peut-être qu'elle insulte même. Ah ok, ok. Donc ta soeur c'est présente. Pourquoi ça c'est pas toi? Tu voulais faire du mal à ma soeur, elle répond des trucs. Tu parles que quoi? Elle a reçu le bac, comme tu vois que ton Dieu, c'est quel Dieu que tu pries là. Elle envoie les menaces, non. Il dit que ne parle pas comme ça. C'est pas ton égal, il s'écrit, il y a ma soeur qui est en train, il faut laisser. Si j'ai déjà eu le bac, comme il avait qu'il peut pas avoir le bac et que je continue, il faut que ça va déjà. Oui. Même l'enfant, quand il a aussi appris que j'ai accouché, il a dit que Félicitations, toujours les mêmes mots, mais une félicitation, c'était ton souhait. Mais que c'était mon souhait, et que mon souhait commençait d'aller à parler. Bon, ça commence à me poser une question, parce que tu permets que je pose des questions pour bien comprendre l'affaire, et pour ceux qui vont nous écouter aussi dans le monde, qui puissent bien saisir le fond de la chose, n'est-ce pas? La nuit où vous êtes assis, tard en état, il venait te réveiller, il te faisait des accouchements. Quand il t'a touché, et par la suite, vous avez commencé à causer, il a parlé à un moment donné, il pleurait. Et tu as dit que il a dit que s'il ne fait pas cela, c'est en sa vie, qui est en dépend, n'est-ce pas? Maintenant, et là, tu n'as pas eu une espèce de pitié pour lui? Il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié. Donc, tu aurais profité que même si la condition, c'est qu'il meurt, Oui, j'avais profité parce qu'en vivant là-bas, j'étais quand même, j'allais quand même à l'église. Je connaissais comme ce qui n'est pas bien. Et n'a-t-il pas dit que si tu acceptes, il va faire toi une grande femme? Il avait dit, il a même dit qu'il allait me donner, il a une de ses voitures dehors, garé la Pontiac, il a dit que c'est moi qui allais me donner ça, que c'est maintenant. Et que même à l'école, il devait briller. Tu vois, comme je fais, je devais même être l'un de ses cliniques, la fille se fait comment? Comme je fais siège et comptabilité, oui. Je devais être la plus brillante en comptabilité, ça allait tenir mes amis. Il m'a dit ça. Bon, reviens de l'autre côté. Tes camarades que tu sais qui couchent avec leur père, est-ce qu'ils sont brillants comme ça? Ils sont pas brillants. On les avance ce semestre. On les avance. Donc ça veut dire qu'on négocie à l'école, on leur donne le diplôme. Et dans ce cas, tu vois effectivement sur le mensonge, le piège pour tes pièges, pour que tu convoites les choses, les grandes choses. Qu'est-ce qui te faisait refuser ces grandes marques de voitures qui sont dehors? Ça ne te tentait pas de rouler comme tes camarades? Je pensais à que déjà, je suivais souvent les histoires comme ça avant qu'ils ne viennent à savoir que les filles qui couchaient, les filles, je suivais souvent les histoires comme ça. Comme si je venais tout ça, les filles qui se plaignaient tout le temps. Je pensais que comme peut-être si je fais ça, ma vie, je dois seulement passer tout mon temps à faire ça avec lui. Parce que si on fait seulement ça une fois, c'est tout. Il n'a plus jamais revenu sur ça. Moi, je lui ai répondu que c'est le truc que ça se répète seulement. Tu vois qu'ils vont te laisser. La veille, tu vois aussi. On essaie ça aujourd'hui, ils vont te laisser. Ils vont continuer ça jusqu'à... Il a dit non. Non, que c'est une fois qu'ils connaissent ça. Et là, il y a une autre chose que tu as dit. Tu as dit qu'en réalité, ce n'est pas lui qui devait faire. Si tu étais d'accord, il devait faire que quelqu'un vienne. Non, mais que la personne est en don, que c'est en lui, non. Que si je veux me faire voir, est-ce que lui peut coucher avec moi pour ressentir quoi? Que c'est quelqu'un qui a envie qui lui met la pression. Parce que moi, le jour, il m'est tapé, il était venu, genre, il dit que c'est même pas lui qui fait. Que c'est pas qu'il se têtu comme ça, ça les énerve. Et il a dit qu'il y a un être en lui qui veut faire ça. Oui. Et si le coup, si tu veux voir, il va te faire voir la personne. Il dit que c'est un blanc, il n'y a pas de problème, ça va rien me faire. Est-ce que lui peut m'aimer? C'est qui m'a dit qu'est-ce qu'il peut me faire quelque chose parce qu'il croit que c'est l'amour, quoi. Et là, tu n'as pas essayé de le raisonner en disant que papa, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il a raisonné, c'est pas tu trouves ça normal. Il a dit quoi? Est-ce qu'il parlait comme ça, lui se fâchait seulement. Il faisait la trucs comme merde, vraiment, ici, il parlait dessus. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il sait que je suis, qu'il est mon seul espoir. Comme peut-être ma mère n'est plus là, que si je rentre là, je suis marrant. Dans ta vie entre sa mère. Il savait qu'il m'avait dit qu'il serait. Tu vois que là-bas, c'est que la souffrance. Tu vois comment mes petites soeurs sont. Mes soeurs sont en train de souffrir là-bas, à Nouvelle. C'est ça que j'ai envie d'aller vivre. Parce que parfois, quand ils partaient à Nouvelle, on ne dormait pas là-bas. Ils nous faisaient seulement voir. Qui ça? Mon père, non. Quand on partait là-bas, il n'aimait pas qu'ils dorment chez nous. Attends. Ils te faisaient voir quoi? Donc, quand on arrivait peut-être que dans un quartier comme à Nouvelle, comme ça. Ils te montrent la souffrance. Les gens, ils souffraient, les gens dans les maisons. Ils me racontent le truc. Pas même souvent sa force qu'ils entendaient. Même dans son quartier, mais avec peu de vie. Parce qu'il l'a encadré la voiture. Un peu. Ok, donc quand il va à Nubel, dans la ville, ici à Douala, le quartier Nubel, là où il y a la prison de Nubel, il voit les maisons qui sont comme des taudis, là-bas, ils se moquent déjà. Ils se moquent bien, que les gens, si on ne les reconnaît même pas dans le monde, dans son monde, même, ils n'existent même pas. La souffrance là, qu'il y a en vivant là, qui ne sont même pas comptés parmi les gens. Autrement dit, il veut dire qu'ils vivent bien. Et que si il lui a dit que ceux qui vivent dans la pauvreté là, c'est eux qui veulent. Donc ça veut dire que s'ils veulent. Il a dit que c'est eux qui veulent passer le temps comme ça. Hein. Il avait dit ça, que c'est eux qui veulent. Et ça te faisait pas mal quand tu entendais cela? Je voyais tout ça, hein. Je vois aussi que je pense, je savais que si on fait, si ça se passe, il va souffrir. Je vois aussi que ce qu'il dit là est faux quand même. Si c'est que le chemin là n'est pas vrai, c'est pas la secte déjà, c'est un peu un bon Dieu, mais que c'est la femme à ce niveau. Il avait dit que d'office c'est un peu un bon Dieu, mais qui dit que c'est un peu un bon Dieu? L'église où tu parles, tu crois même que les gens là sont avec nous? Mais c'est il faisait tout pour me convaincre. Attends, que l'église où tu parles, que les gens là sont avec eux aussi? Oui. Que les gens là sont avec eux, les pasteurs, les évêques, tout ça qui sont là-bas. Oui, et là, à ce moment, tu partais dans quelle église? J'étais catholique, j'étais baptisé, connu, confirmé. Le jour même de mon baptême, il avait même refusé ça. Il n'était pas là, mais c'est ma tante, non, sa grande soeur qui avait contribué. Il a refusé d'envoyer l'argent. Mais ils disent donc que ceux-là sont avec eux aussi. Oui, que c'est japonais, oui. On va les enchanter, ils font les trucs. Que je crois même à quoi, comme ça. Que c'est comme ça que je me lève et qu'il n'y a pas l'église. Que je dis qu'il va encore à l'église. Je vais lui dire ce qu'il n'y a pas cherché. Est-ce que tu aimes ton père? Alors, allez, on lui parle. Tu l'aimes? Tu l'aimes vraiment? Oui, donc, je l'aime non, comme mon père. Mmh. Bon, et ce qu'il vit même là, c'est ça. Là. Mais je ne veux même plus le pardon, mais je veux plus quand même être, même si ce qui change, je veux plus parce que... Même s'il change? Oui, ben même s'il change. Tu ne veux plus de lui? Attends, mais tu l'aimes donc comment alors? Bon, peut-être que je me dis souvent, peut-être si j'étais mon père, qu'il était aussi quelqu'un de bien simple. Parfois c'est ça qui me vient, mais après ça part. Que ça me vient, que c'est quelqu'un de mauvais. Et souvent ça dans la tête, ça vient quand je pense peut-être à lui un peu, après l'image que... Et quelle est ta relation entre toi et sa soeur? Si tu as parlé de sa grande soeur qui a contribué pour ton baptême et ta communion, quelle est ta relation? Sa grande soeur, oui, oui. Elle cause bien avec moi. Oui. Elle habite à mon âme, ça dit. Où je fréquente, ou là-bas, elle fréquente à Isma. Mmh. Elle m'a demandé que c'est comment, si c'est qu'on avait compris vite, que son petit frère, il a fait les longs yeux. Attends, donc ta grande soeur connaît qu'il est comme ça? Non, sa mère, mais sa mère ne parle plus. Parce que elle dit que j'ai publié la vie de son fils aux gens partout. Elle ne parle plus. Ma grande mère n'a pas tenu. Oui. Que je suis venu raconter aux gens que son fils l'a couché, mon père, il manque. Oui, et là, ta grande soeur, elle connaît. Elle connaît la grande soeur consanguine. Oui, Delise, la soeur consanguine à ton père. Oui, elle connaît. Elle connaît. Elle, vous avez parlé. Oui, tout, donc, elle n'a pas raconté. Oui, mais... Elle m'a seulement vu comme ça un jour passé. Là, elle m'a appelé. Que tout va bien. Elle, que ça va bien. Que vous voyez la tétutesse. Quand on parle, vous ne voulez pas comprendre. Votre père, comme ça, qu'il a toujours été la facilité. Il ne connaissait pas se lever le matin comme ça, réfléchir même. Il voulait tout voler l'argent. Déranger à la maison. Voilà qu'il est parti maintenant trouver ce qui lui plaît, ça lui dépasse. Mmh. Bon, y a-t-il pas à un moment donné, en aucun moment où vous n'avez pas parlé de les tentatives de comment faire pour sortir votre père de cette situation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas réfléchi dans le sens où vous pouvez le conduire à la délivrance? Est-ce qu'on prie pour lui? Ma grande soeur qui avait fait la première là, oui. Elle avait dit qu'elle avait parlé de ça. Voilà, maintenant racontons son histoire. Pourquoi elle a fui avant d'arriver au niveau de ça? Elle m'a dit qu'elle a fui pour ça parce qu'il voulait tout coucher avec elle. Présentement, c'est là la même chose. Oui. Donc, là où tu es sorti pour venir ici, vous êtes ensemble. Oui, nous sommes ensemble. Elle a même des problèmes. Oui. Elle est même partie. Elle est partie sans ma vaccin. Sa mère a amené. Tu es là. Le maman a dit que ma grande soeur, on a attaché son ventre. Oui. Que mon père a fait les nouvelles choses. Donc, on va voir son cas, d'accord. Dieu merci qu'il est à côté. Qu'elle soit à côté de vous. Donc, son cas, on va voir son cas après toi, d'accord. Et c'est que tu venais ici. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle veut se venir, qu'elle dit que... Que tu parles de tester. Que tu parles tester, n'est-ce pas? Mmh. Ok. Donc quand tu vas rentrer, tu vas la faire venir ici aussi. Vous allez venir à deux, d'accord? Maintenant, son cas, qu'est-ce qu'elle t'a dit concrètement? Puisque vous êtes ensemble et elle t'a seulement t'avoir dit des choses. Elle m'a dit, moi, que c'est ça? Tu as dit ça, c'est ta soeur ou ta cousine? Mais quand elle se concerne, c'est la fille de mon père. C'est toujours la fille de ton père, avec une autre femme. Mmh. Et sa maman, elle est où? À Bafoussam. Et sa maman, elle vous avait vous causé. Oui. Et elle a aussi dit la même chose que par rapport à ton père. Oui, sa maman, oui, elle a dit la même chose que notre père. Elle était partie par toi, mais que notre père, là, qu'il était un mauvais truc, qu'il est terrible, que c'est pas quelqu'un qu'il faut qu'on enlève le cœur sur lui. Oui. Parce que ma grande soeur, elle aimait trop mon père. Oui. Et là, elle veut même qu'il change. Si on peut l'amener même à les prier, mon père, elle dit jamais. Oui. Qu'il faut qu'elle souffre sa souffrance, c'est pas elle. C'est ce qu'il a répondu à ma soeur. Ok, donc ta soeur avait des mains qu'on peut prier, mais les gens ne doivent rien lui faire. Mm-hmm. Il a refusé. Mm-hmm. Donc ta soeur, c'est ta grande soeur à toi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc ta grande soeur a dit qu'elle avait proposé à ton père de l'amener à la prière. Prier, il a dit jamais, il ne veut pas aller souffrir. Même pas l'amener de prier, non de plus prier. Chasser les gens là avec lui. Oui. De commencer les prières, même si c'est que là, il a dit que ma soeur ne connaît pas ce qu'elle dit. Que mm-hmm. les prières ne peuvent rien faire. Mm-hmm. Que c'est comme ça. Que si on ne veut pas, on ne serait rien dans la vie. C'est ce qu'il avait aussi dit à ma soeur. Mmh. Et ma soeur, elle a beaucoup de problèmes. Elle a beaucoup plus suivi le chemin des marabouts, mais pourtant, elle n'est pas partie à l'église. Elle n'a pas cherché quelqu'un pour prier soit un homme de Dieu. Elle n'a pas touché les marabouts. Mmh. Actuellement, si elle est partie à l'Obsam de Marabout, elle a les problèmes. Du coup, on attache son ventre. Tant qu'elle est mieux. Qu'elle ne peut pas faire des enfants. Mmh. On n'est pas là-dessus. Et c'est comme ça qu'elle est là. Elle est volée, mon père. Qu'elle fait maintenant, tu sais, elle ne marche pas. Mmh. Dans ce sens, c'est pour elle fonctionne. C'est ce qu'il avait dit. Elle croit que c'est ça qui est en train de faire ça. Bon, maintenant, je pose la question. Avec elle, avec le cas de ta grande soeur, elle doit être mieux. Elle a dit que comment ton père a procédé aussi. De toute façon, la prochaine fois qu'on se réveille, je vais poser la même question qu'on a concernant des. Est-ce que c'est la même chose qui me fait feu? Et je ne pouvais pas seulement te dire ça le jour-là. Mais après, elle m'avait dit, elle m'avait appelé une fois, mais comme tu es toujours là-bas. Et j'ai dit, hey, que, moi, la maison, là, je ne peux même pas rester là-bas. Même si c'est comment. Pourtant, il y avait l'argent. Tu es une maison, oui, tu n'es pas à l'aise. Parce que quand on était là-bas, même, tu vois, elle dit que ici à Douala, je suis bien. C'est même peut-être comme j'ai perdu ma grand-mère qui a changé. Là-bas, elle était toujours. Un jamais, ce mec, on sait que j'ai tout, et surtout un jamais, les gens viennent tout même. Et à Bastos, les gens passent en vous voir, on dit que vous êtes bien. Pourtant, vous souffrez. Mais là, à la maison, même, tu n'es pas là, quand ils sont même pas là, comme si c'est que tu n'es pas tranquille. On voulait tout sortir, et lui, nous laissons la langue d'aller en boîte, tout ça. Votre père, il vous donne l'argent d'aller en boîte. Non, mais est-ce, en tant que ton, sa fille, et qu'il disait qu'elle t'aimait beaucoup, est-ce qu'il t'a déjà eu à te déposer? Vous te faites asseoir et vous causez et elle te conseille par rapport à la vie. Il parle de ton père. Qui me conseille? C'est peut-être pour qui ne veut pas que je dois connaître les hommes, qui laisse les hommes comme ça. Qu'il ne doit même pas connaître. Donc si c'est seulement avec lui-même le mariage, ça n'a pas sa place. Donc il va me mettre que c'est heureuse toute ma vie. Il n'a pas besoin d'hommes. C'est ce qu'il te disait chaque fois. Oui, tout plus c'était tout l'argent. Il parlait seulement rien que d'argent, toujours en train de parler d'argent. Qui ne se voit pas encore, je suis toujours en train de parler de l'argent. Donc, présentement, s'il m'envoie encore un message sur Facebook, quand il m'écrit, on est de nous, c'est combien, c'est 52 milliards. Puis il envoie mon numéro de la carte, il m'envoie l'argent. Qui voit qu'il souffre beaucoup. Que je n'ai même pas besoin de lui dire, il connaît que j'ai souffert là. Donc, quand il oublie ce que il a, ce qui s'est passé là, il envoie le numéro, il va m'envoyer l'argent. Donc, en mettant encore là, est-ce que ça m'a ramené que, le diable, c'est pour. Il cherche maintenant les moyens, même pas l'argent, que touche à tout, puis ça me donne quelque chose qui va m'attirer d'arriver là-bas. Il dit que qui lui a donné 52 milliards. Il va connecté à lui. Il m'a encore donné 52 milliards, non. Qu'il envoie le numéro de ma carte, il m'envoie l'argent, qu'il est en train de souffrir, qu'il ressent ça. Et c'était vraiment une période difficile. Et là, dans la réalité, tu souffrais vraiment. Oui, une période difficile, c'est comme si, mais si je parlais pas à ma grand-mère, c'est comme si, comme il avait oublié ça, non. Il a été souvent que réfléchir que mais. La grand-mère, alors que tu parles, maintenant, elle est où? Elle est décédée, ça fait 2 mois. C'est comme s'il connaît ce qu'on vit. Il connaissait. Parce qu'il dit que je suis en train de te voir, tu n'es pas un peu à l'école. Mais c'est le début, si c'est là, envoie ce monument et ta carte. Il a demandé déjà à ta soeur. Ta soeur m'a envoyé, ça paye le mentir. Ma soeur n'est pas envoyée. Ah, il ne sait pas que vous êtes ensemble. Oui, il a payé ma soeur, mais que je ne peux même pas, ma mère, que je ne sais même pas. De prendre son argent. Il voulait jouer jusqu'à là, il aime les jouer le jeu, il veut mentir, ça c'est pour montrer que. Mais je regrette beaucoup avec lui que je suis parti. Je couche de nuit là, je faisais ça juste. Et je vais beaucoup aller, c'était commencer maintenant les prières. Parce que ma grand-mère voulait toujours m'amener, on travaillait, on faisait tout. Ça ne changeait pas. On travaillait comme ça, baisse sa langue. Ça fait quoi, je rêve toujours avec lui. On travaillait, ma grand-mère a dépensé l'argent. Et dans le rêve, quand vous rêvez, comment ça se passe dans le rêve? Explique comment ça se passe. Comme celui voit bien, même. Ça commence peut-être comme nous sommes on se balade, on parle peut-être au restaurant. Après, c'est le rêve, je suis allé dans la chambre, c'est tout là-bas, basse dans la maison, là, qu'elle me retrouve. Et que je suis nommé à coucher jusqu'à. Et je sursaute maintenant comme ça, je raconte à ma grand-mère, elle m'amène. J'en dis pas quoi, je rêve toujours. Je rêve tout qui vient parfois, mais je suis en train de l'embrasser dans le rêve. C'était là comme ça. Là. Et quand il vient, il utilise vraiment son visage. Vraiment son visage. C'est vraiment meilleur que moi. Il ne se cachait même pas. Vraiment son visage. Je sais qu'elle est partie. J'ai une amie aussi que j'ai connue comme ça, elle est à Douala. Elle venait souvent trop chez nous là-bas. Elle est pentecôtiste. Elle m'a amené, il y a une église à Bonapuzo là-bas. Après la Texaco, chaîne Nouvelle, ancien cinéma Le Panier. Oui. Elle m'a amené là-bas. Oui. Elle a commencé les prières avec le pasteur. Souvent, elle a vu le service un peu du monde. Elle avait plus de lui. Jusqu'à présent, elle avait plus de lui. Mais elle rêvait de lui le mois passé. Mais c'était pas le rêve de coucher de lui. Bon, et là, ta soeur avec qui tu es à la maison, pourquoi, pendant que tu as suivi la voie de Dieu, elle est allée sur la voie de Marabout? Où rencontrez-vous? Sa mère aime d'avoir que ça, c'est pour ça. Sa mère m'a même appelé jusqu'à la fin de comparaison. Elle aime ça. Donc là-bas, on ne peut pas quand même trop changer. Ils ont le système, elle est bandounaise. Si elle fait comme si le père même croit peut-être l'église, ils vont se dire que. Ils ne vont pas reprendre ça comme ça. Ils vont dire peut-être que moi aussi en créer un. Qu'advient-il si tous ceux que tu as cités là, je ne sais pas comment tu as appelé l'autre, s'ils entendent cela, qu'est-ce que tu voulais faire comprendre? Puisque tu as dit que tu veux qu'on publie, qu'on sache. Ce sont les grandes personnalités quand même. Ça va, ça va. Lui-même, il a dit que dès qu'on parle peut-être quelque chose comme ça, il entend. Chaque fois qu'il raconte l'histoire, il entend. Et il m'a dit qu'elle ne fait même pas l'erreur de prendre son histoire et pas raconter son histoire. Ça, je n'avais jamais raconté. Ok, mais depuis que tu racontes, donc, est-ce que quelque chose t'est arrivé? Mais avant, là, quand j'ai commencé à raconter ça à ma grande, mais comme il a commencé, là, je ne dormais même pas souvent bien. Qu'elle racontait, c'est à l'église, là, quand j'ai raconté là-bas, que ça a changé. Et quand je raconte encore ici, là, plusieurs personnes me demandent tout ça, mais même sa femme veut que je raconte. Bon, quel est le message que tu veux passer à tous ces gens-là, tous les gens, les autres personnalités que tu dis que tu avais rencontrées à l'hôtel Hilton qui vont écouter ça? Je vais même pas le passer, mais c'est un genre, peut-être comme on peut parler pour permettre aussi aux gens, permettre aux gens de comprendre. Bon, quand même, quand on raconte, ils vont se sentir concernés dans l'histoire. Si peut-être on est en train de parler, ils vont se sentir. Et moi, mon père, parfois, je filme ça sur Facebook, je publie les trucs, non. Quand il lit ça, il se sent gêné. Oui, tu écris ça en même temps. Je publie souvent les trucs, je sens même que le nom, les parents qui veulent avoir l'argent, je publie souvent les trucs, il passait. Parfois, les gens commandent l'argent de sa famille, que c'est bien ça, ma fille. Faut pas suivre, c'est le bonheur, les gens commandent, ils suivent ça. Et qu'est-ce que ton père lui dit? Il ne commente jamais ça. Mais il m'écrit seulement le message, qu'il passe pour mon père, et puis les choses, puis il croit en bas, il dit que Dieu, que c'est Dieu qui va me retirer dans la souffrance un jour. Qui reste tout là, je l'attends. Quand ma grand-mère est décédée, elle a tout dit la même chose. Quand ma grand-mère est décédée, on va comprendre ce qui va nous arriver dans la vie. Et tu penses qu'avec son pouvoir, il n'a pas pu t'atteindre quand tu étais chez lui? Est-ce que maintenant que tu es à l'extérieur, pourra t'atteindre avec ces gens? Puisqu'ils ont le pouvoir d'appeler les morts, appeler les esprits, mais pourquoi ils n'ont pas pu t'hypnotiser pour t'atteindre? Il a essayé, beaucoup même, c'est pas de la prière, il a essayé. Il a essayé. Tout ce qu'il avait dit, quand même, ça avait vécu ça. Juste à ce que je commençais les prières, que ça changeait. Tout ce qu'il m'avait dit, même que c'est pas ça, où personne même me parler. Je parle à l'école, je vais seulement rester là comme ça. Il a repris les places comme il a dit. C'est quand il commençait. Il a parlé de malédictions qui ont marché sur toi. Qui ont marché. Et tu as vu maintenant, quand tu t'es dressé, dans le camp de la prière, ça a changé. C'est parfois qu'il prenait mon cas. Tu es bête, tu vas apprendre comme ça, le sommet me prend. Bon. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont allés passer par ce moment, il y a certainement les camarades, mais ce n'est pas une histoire seulement au Cameroun. Dans toutes les parties du monde, il y a des jeunes filles qui couchent d'autres avec le serpent, d'autres, les parents ont le serpent, et qui veulent mettre dans leur ventre, et d'autres encore vivent dans le luxe comme ça, là, ne sachant pas que leur père... d'autres couchent même sans se rendre compte que c'est mauvais. Qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu allais dire si ils écoutent alors ton témoignage? Tu vas leur dire quoi? Si ils écoutent ton témoignage, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire qu'elle continue dans cette voie-là. Elle ne doit pas continuer dans la même voie. Mais le problème, c'est que j'ai essayé même de dire même aux gens qui peuvent me raconter ça, mais eux, ils ne croient pas. Je ne sais pas si les gens vont croire comment. Il y a des gens qui ont vécu. Ils veulent vivre avant de croire. Mais ceux qui sont déjà là, qu'on voit, on peut même les retirer dans ça, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas sortir. Mais que tu penses, quel est le problème? D'autres, on accepte, je ne sais même pas. Tu vois, pourquoi quelqu'un sache? Mais je connais des amis qui me disent carrément que. Donc ils se moquent de moi, quand je suis peut-être allé chez ma grand-mère, ils se moquent de moi. Donc tu fuis l'argent pour aller résoudre la pauvreté. Ils savent que les parents sont dedans. Ils sont même dans les retards. Ce qui fait que c'est un pas. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas comprendre quand ils les parlent eux-mêmes. Sachant que c'est la vérité. J'ai essayé de parler aux gens comme ça, même à l'école. J'essaie de parler même comme si c'était que je venais plus. Donc j'essaie de sensibiliser, de dire que non, si tu vis. Et souvent les films à l'école qui sont souvent les gens, ils les voient. J'essaie de venir vers eux. Ils me disent que t'es un peu quand ils commencent. Bon, maintenant, revenons sur la réunion à l'hôtel Hilton entre ton père, là où vous êtes passé, là, avec les hautes autorités. Quel est le but de leur réunion? Il t'a parlé, dans votre conversation, il t'a parlé de ce qui se passe dans la réunion? Il m'a pas parlé de ce qu'ils font, mais ce sont les gens avec qui ils siègent. Donc, ce sont ses amis personnels, là. Et donc, il a beaucoup de relations. Et même si elle est devenue quoi, pas besoin de fréquenter, même le travail, on va me donner. Il a beaucoup de relations. Donc c'est comme ça qu'ils font pour donner le travail aux gens ici. Et donc, est-ce que dans votre maison, tu vois défiler les gens dont tu parlais? Ou bien ils s'en rencontrent? Oui. Donc, il était venu là-bas, mais il venait acheter. Parfois, qu'il y a encore du voile, il y a les montres. Oui. Qui ça? Les habits, mon père. Oui. Il venait acheter les montres. C'est comme ça qu'il m'a dit que. Il était venu là-bas, il est venu une fois. Donc, il ne venait pas trop chez lui parce que lui aussi, sa femme, elle lui a posé les questions. Et elle ne venait pas rien que l'on. Aussi un jeune comme ça qui jouait au ballon. Même Jérémy est venu chez lui aussi. Et quand il vient comme ça seul, simplement. Il a amené aussi souvent les petites filles chez lui. Il voyait ça. Mmh. Quand sa femme ne parlait pas au travail. Dans les élèves, non. Mmh. Il voit même, ça ne lui dit rien. Il va dans la chambre. Oui. Il lui parle même. Mais ce qu'il lui parle, il n'est pas. Il fait comme si c'était on ne doit même pas parler. Il parle jusqu'à l'âge. Il avait fait. Donc on lui a posé une condition, il avait fait 5 ans sans coucher avec sa femme. S'il ne fait pas ce que les gens l'avaient, il a continué comme ça. Et parfois sa femme elle me disait même que mais qu'on me causait son elle est là, elle me parlait sur les cheveux que mais depuis là que je suis comme ça, je veux même encore coucher. Ton père lui il me fuit sur le même par exemple mes blagues. C'est mm-hmm. lui même qui m'avait dit que c'était une condition. Mm-hmm. Donc il soit, il m'a dit ça lui qui ne couche plus avec sa femme. Jusqu'à ce qu'il atteigne. Et, bien, et donc quand il rentre au pays comme ça, durant ce moment-là, il ne dormait pas dans la même chambre. Dans la même chambre, mais. Il dort parfois, donc quand il se fait appel, il vient au salon. Mm-hmm. Il ne dort plus, les maisons suivent, c'est de là. Mais ça, il suit. Il essaie de la franc-maçonnerie. Mm-hmm, mais maintenant, d'autres personnes disent qu'on voit dans les documentaires dans lesquels on dit que la franc-maçonnerie, ce n'est juste qu'un cercle, on ne voit pas les aspects des sacrifices et autres là-bas. Est-ce la vérité? C'est pas la vérité. Il y a les sacrifices. Quand tu vas voir peut-être ceux qui marchent pieds nus, les femmes maintenant qui gardent les voitures, qui font se mettre, c'est les mêmes gens. Mmh. Non, c'est vraiment expliqué, c'est la femme à ce niveau. Il y a les sacrifices. Mais maintenant qui m'aiment qu'on ne tue pas les gens, prends mal les chances. Mmh. Non, ils ne tuent mais pas. Mais ton père, comment il a fait pour avoir aussi c'est eux qui font, c'est leur propagande ou c'est elle? Maman, c'est eux qui font. Mmh. C'est eux-mêmes qui ont fait ça. Oui, parce que c'est un CD, c'est comme ça, ils mettent sur nous. Mmh. Les hommes, c'est eux-mêmes qui font ça. Mmh. On les appelle ça. Mais il a dit qu'eux ne tuent pas les gens. Que si tu es là, c'est qu'il a tué tous ses frères, c'est ce qu'il avait dit. Et lui et ses frères, ils s'entendent même pas. Mm-hmm. Que si c'était facile qu'il faut tuer quelqu'un, c'est qu'il ne pouvait pas venir vers moi. Est-ce que tu es prêt donc à suivre le Seigneur Jésus-Christ par tous les moyens? Mm-hmm. Même s'il y a n'importe quelle conséquence, tu es prêt à tenir ferme pour le Seigneur? Vraiment? Ne bouge pas seulement la tête comme oui. ça. Tu es prêt parce que suivre le Seigneur, sa voie n'est pas facile. Il y aura des persécutions, il y aura des choses, mais tu en as déjà enduré beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es prêt à continuer sur cette voie-là, la voie du Seigneur Jésus-Christ, même si on va faire n'importe quoi, mais le Seigneur va te protéger. Oui. Bon, quand tu venais vers moi, qu'est-ce que tu attends? J'attendais quelqu'un qui va m'aider peut-être à suivre le chemin. Bon. Un seul, tu vas faire. Ok. Courage, d'accord. Et bienvenue. Ça ne te dérange pas quand il pose des questions comme ça, non? Ta grand-mère en mourant, qu'est-ce que t'as dit concernant ton père, la raison de ton père? Que je ne dois jamais donner le pardon. Que on reste comme ça, que je ne dois jamais. Non, que je ne pardonne jamais. Je ne pas jamais cheveux aussi. Mmh. Donc, est-ce que ce que le conseil de ta grand-mère a dit, c'est normal? Est-ce que tu vas donc mettre en pratique ce que ta grand-mère a dit? Je l'ai mis en pratique parce que bon, je n'avais pas le choix pour ça. Je n'avais pas un autre moyen. C'était elle qui était ma seule protection. C'est pour ça qu'elle m'était en pratique. Mm-hmm. Mais après, bon, je prouve dans une situation où je me dis que non, il faut pardonner, mais peut-être je ne dois pas vivre, mais je peux le pardonner comme mm-hmm. ça. Donc tu dois lui pardonner, n'est-ce pas? Parce qu'il est fautif, mais ce sont jugements avec Dieu. Mais quand est-ce que dit que tu vas aller les relations pour tomber encore dans ses bras, ça c'est autre chose, mmh. d'accord? Mais tu dois pardonner parce que tu as une obligation, c'est un commandement du Seigneur. Que quel que soit ce que quelqu'un va te faire, tu dois lui pardonner, d'accord? Parce qu'on dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, maintenant, je reviens sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que tu aimes ton papa? Beaucoup de trucs là. Tu l'aimes? Bah, il est trop... Quand il cause même sa cause, il n'est pas gentil. Hein. Il lance tous les mots comme si c'est lui qui. Il se voit comme s'il était seulement le suprême, lui, il est le Dieu des gens. Quand il parle, il n'est pas gentil. Donc lui, ça fait que. Ça veut dire qu'il est sorti de ton cœur. Il est sorti. Mais sa cause ne parle pas bien. C'est vrai, la personne, si tu le parles, il va tout venir, que c'est parce que lui, c'est lui le seul qui était la seule. Il a tout la bouche, il était la seule. On va se glorifier. Oui. Il était la seule, c'est ce que j'ai compris, donc il doit marcher ou pas épater. C'est tout ce qu'on me répond. Qu'est-ce que tu attends donc? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ton père? Moi, je veux seulement me mettre dans les prières pour qu'il ne vienne plus. Je veux plus qu'il vienne dans ma vie. Mais est-ce que tu as une vidéo posée sur Facebook? Est-ce que tu as une. Je n'écris pas, c'est lui qui m'écrit. Ok, donc depuis tu ne lis pas. Je ne peux pas répondre. Et s'il arrive que le Seigneur Jésus touche son cœur et le change, il revient maintenant comme un bon père. Et là, ça se comprend. Donc on peut lui prêcher l'évangile là-bas. Ah oui, oui. Il va accepter. On ne sait jamais comment Dieu va faire la chose. Si ton père est transformé, n'est-ce pas, ce sera vraiment ton père comme Dieu avait créé. Que les blancs là-bas, ils ont dit que quand il a fait la prison, on dit qu'il n'est pas dans la secte, que c'est. Ils ont dit que c'est un scoop. Ils ont dit qu'il m'a eu dans la tête, que c'est ce qu'il fait souvent coucher les petites filles, qu'il n'est pas dans une secte. Donc on a plutôt jugé en disant que c'est le truc de un parano. Oui. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ça qui l'ont retiré de la prison. C'est ça qui a fait qu'il sort. Oui, ils mettent secrètement. Non. Mm-hmm. Alors qu'il sait ce qu'il fait. Lui sait ce qu'il fait, il sait bien ce qu'il fait. Quand les gens vont nous écouter et qu'ils sont dans les sectes, qu'est-ce qu'un conseil tu leur donnes pour ceux qui sont les papas, n'est-ce pas, hein? Mm-hmm. Comme ton papa qui veut coucher avec les filles, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Le seul conseil que tu peux donner, c'est peut-être de sortir, d'accepter la vie. La vie que Dieu a donnée naturellement, non. Parce que eux, là, la matière hein, qui font, ce sont ceux qui veulent toujours vivre bien. Mm-hmm. C'est d'accepter ce qu'ils sont. Mm-hmm. Donc, en fait, ils fuient la souffrance. Oui, ils fuient, parce que mon père, il ne peut, il ne veut même pas. Mm-hmm. Ils fuient. La majorité des gens, ils veulent vivre bien, ils ne veulent pas qu'ils réfléchissent quelque chose. Mm-hmm. Donc ils doivent accepter, ce qui les pousse plus, c'est parce qu'ils veulent vivre bien. Mm-hmm. Ils doivent accepter ce qu'ils sont naturellement, d'où ils viennent, même ils oublient. Mm-hmm. Parce que comme mon père ne vient pas, c'est un gars de nouvelles, mais subitement, ils voient ça comme si ils ne voient pas les gens qui passent là-bas, c'est sa mère qui l'amène là-bas. Mm-hmm. Et oui, dans ce cas, pourquoi ne pas le dire sa mère là-bas? Voilà, après c'est les conditions aussi, c'est ce que nous maman se pose, que depuis sa mère là-bas, il ne retire pas sa mère, souffre avant le poisson brisé. Mmh. Mais celui-là, l'argent, franchement, sa mère souffre. C'est où sa famille, ils ont compris, ils ne confrontent pas en disant sa mère, c'est où dans sa famille, ils ont compris qu'il n'est pas simple. Mmh. Mais les gens qui sont... Oui, ils s'entendent, sa mère le supporte jusqu'à... Elle parle, on lui dit que son fils est comme ça, elle refuse. Sa mère le supporte bien, ses frères même connaissent ce qu'il est compliqué, même dans sa famille, beaucoup d'en connaissent. Puisque ceux qui ont l'argent, ils essaient d'aider, d'amener, de faire les choses, quelque chose de naturel. Quand tu travailles, tu sais que tu es un peu, tu vas quand même aider les gens, lui ne fait rien. Donc son argent, il gaspille. Il achète les voitures. Peut-être que lui nous donnait l'an de semaine 50 000 chaque semaine. S'il vient encore, c'est fini, il te donne encore. Lui gaspille seulement. Et cet argent-là vient d'où au juste? Il vient sur l'argent, vous avez des biens neufs, il vous donne. Il partait celui qui part à la banque pour prendre son argent. Mais donc, là, et comment il a fait pour que l'argent entre dans la banque? Parce qu'il faut travailler pour garder l'argent en banque. Et là, que les gens là, l'envoient, non. Mmh. On l'envoie, ben, il ne travaille. Mmh. Même qui vient là, qui fait un peu semblant, là, c'est pour que sa femme, c'est qui vend les montres. Mmh. Ben, il l'utilise comme couverture, pour qu'on puisse faire le business. Il fait le business, voilà. Mmh. C'est un peu ça qu'il aime, du gens qui fait le business. Et si tu peux vendre rien que les montres qu'il vient avec la chat, les voitures, genre, la maison de ses enfants, tous ces enfants qu'il a même dehors avec les autres femmes, là, sont au système français, fustel. Mmh. Il vient me mettre là, moi, il refuse. Parce que je voulais faire la comptabilité et le système là. Bon, supposons que ton père écoute ce qu'on en lui parlait maintenant et qu'il est là en 2000 ans. Qu'est-ce que tu peux lui dire directement? Reste-toi directement à lui, comme si ton père était là. Là, il m'aide à laisser, de suivre le chemin de Dieu. Il va, le Seigneur va l'aider. S'il accepte, il ne va pas souffrir. Mais si encore quand il est toujours avec ses mêmes gens, il va passer son temps à souffrir toute sa vie. Il va vivre le bonheur, mais dans la souffrance. Parce que déjà tous ses enfants ne sont pas élus grâce à ça. Sa famille, il n'a pas des amis. Il a les amis, les mauvais amis. Ceux qui croient qu'ils sont ses amis sont les mauvais amis. Mmh. S'il abandonne ça, il sera quelqu'un de lui. Et qu'est-ce que sur ton cœur par rapport à ce que lui il veut te faire? Dis-lui directement. Il t'écoute. Par rapport à ce qu'il veut me faire. Genre, par rapport à ce qu'il veut me faire, bref, je ne suis pas d'accord. Puisque je ne veux pas suivre le chemin là. Je préfère rester dans la souffrance, tel qu'il dit même que je souffre, je préfère rester comme ça jusqu'au moment où Dieu va ouvrir les portes. Mm-hmm. Là aussi. Mm-hmm. Je ne suis pas d'accord avec ça. Puisque même étant dans la souffrance, je dors bien. Déjà, avec lui, je ne dormais pas bien. Alors que tu étais dans la richesse. Non, je ne dormais pas bien. Donc tu veux que tu dis que tu ne veux pas l'argent sale, l'argent venant de Satan. Je ne veux pas l'argent sale. Et s'il veut s'en sortir, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Quel conseil tu lui donnes? Le seul conseil que je peux donner, c'est de suivre le chemin de Dieu. Mmh. De suivre le chemin. D'éloigner d'abord de l'idée, les amis, de mettre ça de côté. Mmh. Les amis, de suivre le chemin de Dieu. Mmh. De changer sa vie, puisque sa vie, là, il faut reprendre à zéro. Mmh. Mais là, il a un esprit en lui. il y a des gens qui lui donnent des conseils, qui vivent des gens d'être spirituels que toi tu ne vois pas. Comment il va faire pour s'en sortir avec tout seul? Lui-même il sait comment il fait, il sait comment il peut faire pour les chasser. Il connaît ce qu'il n'aime pas. Il doit commencer par ce que ces gens-là n'aiment pas. Oui. Quand il va commencer, c'est eux-mêmes ils vont. Comme par exemple, ils n'aiment pas la prière. Oui, ils vont se sentir gênés. S'il commence la prière, la seule chose qu'il vous fait faire, c'est la prière. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Et bienvenue encore. On va prier pour toi, on va prier pour ta soeur, d'accord? Donc quand ta soeur va venir, vous allez venir à deux, je vais encore faire une interrogation pour vous deux. Vous savez, bon. Parce que certainement, il y a des choses que tu as oubliées et qui vont te revenir. Mais l'essentiel, c'est que tous ceux qui nous écoutent, que ce soit les enfants qui couchent avec leur père, que ce soit les pères qui couchent avec les enfants, les riches de ce monde, il faut qu'ils comprennent tout simplement qu'il y a un jugement clair qui va venir. Jésus va juger les gens, les vivants et les morts, et chacun va rendre compte par rapport à sa vie. Les jeunes filles, on va beau marcher dans la voiture, rouler, marcher dans le luxe, mais à fin de fin, on va toujours mourir. Et là, on va rendre compte à Dieu. Les âmes qui sont vendues au diable, le diable va récupérer ses âmes. Donc, il faut que tous ceux qui suivent cette voie-là quittent la voie, n'est-ce pas? Et suivent le Seigneur Jésus. Et j'aime ce que tu as dit. Tu as dit, et si Dieu veut le temps de Dieu pour toi, quand ça va venir, tu vas en sortir de cette situation. Que Dieu te bénisse vraiment, d'accord? On va prier pour toi. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Voilà.